boy, mon pote. La réunion, il vient être à ma version. Si, si. Un son, il faut la pression. Laissez-moi les poules, le régime est en pipouzade, en pipouzade. Cette fois-ci, je demande votre attention. Laissez un petit whisky glace, d'allon. Passez, 440 représentants. Campagne d'attaque à ma tante. Oh, yo, yo, c'est des flagrations, si Babylo. Ça dit 10 000 blesses avec l'ascension. Oh, oui, que petit pays qui lit, quel effet du béton. Ma fille dit qu'elle m'isonne pour moi. Il y a des petits sacs qui disent qu'elle ne s'en est pas pour moi. Non, non, ça n'a rien pu stopper. Les hommes vite, vite, ils ont tipé, plus chauffé. A pas à dire, ben y'a moins comme de l'insister. Nous savons même de qui a le bon métier. Le risque, reste à moi, dis-moi, les fais pas le bonheur. On n'a pas ni mot direct au premier micro pour pas y avoir. Coupé, coupé, à la lyrique, tu mets des gants, boum, boum. Wayne à la donne, mi comme from, tu vois. 440 représentants. Eh ben, comme à l'intérieur, ma tante, c'est oh, yo, yo, c'est des vacations, si Babylo. Ça te dit, mi blesse avec la danse. Pas mauvais du tout, c'était un petit avant-goût. Big up, big up, big up, Sissi. Excellent comme tout. Ça, c'est pas de la roue, mais presque. En direct sur Réunion 1ère, 18h55. New Generation Attack. Big up, Witness, big up, Satan, big up, Benoît, big up, Fabiano, big up, Akatoto. Sissi. Si ou te calcule, me dit la meilleure dans les passoires. Me demande pas où pompe moi fille, moi si sous la passoire. Wa si donne gol adverse, n'a point un passoire. Zot TV 10, Thomas, sera pas pour asseoir. Mais Zot mérite même pas de pourboire. Mon lyrics l'est un peu comme la natte d'autres vie quand ou la pouvoir. Zot ça gagne des trois coups de bois. Ta tête dérode pas où ça y sort quand le nappe les comas. N'est pas comment, même ma police découpe le doom là. Me connais pas comment ça se fait. Didier, bien recommencer ça. Yes, I. Pour non, mais le lit, une autre version en direct pour la fête de la musique spéciale. C'est reparti, on y va. C'est yeah, New Generation Attack. Oh. Big up tout le monde, écoute à nous. Bon anniversaire, Didier Witness. Si, si. Ha. Big up tout le monde, écoute à nous. La Réunion, ailleurs, New Generation Attack. Si vous te calcule, me dit la meilleure dans les passoires. Me demande pas où pompez moi fille, moi si sous la passoire. Ouah, si donne gol adverse, n'a point un passoire. Zot TV 10, Thomas, sera pas pour asseoir. Mais Zot mérite même pas de pourboire. On le rifle un peu comme la natte d'autres vires quand on l'a pouvoir. Zot ça gagne des trois coups de poids. La tête de rote, pas où ça y sort, car le nappe les commas. Zot tout ça tombe dans le coma. Me connais pas comment, mais ma voulu découple, ritime la coma. Me connais pas comment ça fait que nous sommes, il tourne autant, il a finari, jusqu'à au comment. Si ma tout commande, il fait peut-être plus longtemps que où là, mais c'est pas où qu'on commande. Et c'est même pas nous d'ailleurs, nous résistons, fait bloc le peuple d'ici et d'ailleurs. Zizi, bam, Zizi. New Generation en direct depuis Réunion 1ère. Ouais, ouais, ouais, on n'est pas en discothèque, mais presque, hein, c'est l'ambiance là. C'est le week-end, c'est la fête de la musique, on se lâche. C'est le live carrément depuis les studios. Eh oui, ça s'enchaîne, ça démarre très fort pour ce début de soirée. Et c'est les New Generation avec le nouveau son pour vous, pour la fête de la musique. Les gars, merci d'avoir répondu présent ce soir. Mais souhaitez en tout cas un bon concert. Appréciez Ali. Et puis oublie pas, nous retrouve très bientôt également pour le mettre ça au 3. Nous sommes Ali, 3 fois plus haut sur Réunion 1ère, continue, nous va balance le son. Nous supportons c'est Ali même avec bien sûr les artistes du 974. Bilou, nous termine mais là, le mot de la fin. Attends, c'est nous qui blesse. Rends ton cas sur les complexés. Mikos, franchement, mais m'y vais pas vexé. Alexé, n'a dansé, n'a pressé, pas pressé. Et si Oura va se retrouver l'état où Wagen a fessé. Mais pour l'instant, beaucoup danse pour moi, donne à moi. Tout est tourné, n'a tombé, mais dans mon main. Mais ça, là, ne trouvez pas témoin. En intimité, n'a abrégé. Danser pour moi. Tout ça, vous n'a fin arrivé au moins. Nous pouvons commencer à apprécier. Si, si, ah, ça nous a blessé. Ha! Bon, bonne fête la musique de tous. Bonne fête. À 4 pour les contournables. Si, si. Ouais, pas mauvais.